Il est différent, il a changé la donne. Il est pas comme ses menteurs. Lui, il a rempli mon cœur. Faire le tour du monde, dans ses bras j'ai pas peur. Je ne ressens plus la douleur quand il me tient la mano, la mano. Et dans ses yeux je lis qu'on a des choses à vivre. J'ai prié au pied de ma fenêtre. Si c'est pas lui, c'est pas la peine. Et si on s'évadait un instant les yeux fermés, je t'ai choisi comme capitaine de mon bateau. Il y aura des vagues et des tempêtes, mais je veux qu'on avance à deux. Si dans la mer je me perds, tu brancheras la radio. Fais-moi danser, fais-le toute ma vie, me fais pas tomber. Ça j'ai pas envie, je t'ai tout donné. Fallait pas me tenter, qui l'a cherché. Baby, fais-moi l'eau, mollo, mollo, me fais pas bobo, bobo, bobo. Baby, fais-moi l'eau. Quelle vitesse j'ai fait de toi mon choix. Pou pou pou pou pou pou pou. Si tu pouvais voir. Et si on s'évadait un instant les yeux fermés, je t'ai choisi comme capitaine de mon bateau. Il y aura des vagues et des tempêtes, mais je veux qu'on a.